à la sortie des écoles. Il propose des petits bonbons, il te regarde d'un air frivole. Il veut t'emmener dans son camion, et une fois à l'intérieur, il te montre sa collection. Ce sont des films de gladiateurs, qu'est-ce que nous imaginions? C'est la chanson du péto, la chanson de Monsieur Papo. C'est la chanson du pervers, la chanson du mec super. Il aborde les petites vieilles, leur propose des réductions sur l'achat des cartes vermeilles, si elles lui font leur chignon. Il les raccompagne chez elles, leur caresse le chaton. Puis il descend les poupères, qu'est-ce que nous imaginions? C'est la chanson du Géronto, la chanson du Monsieur Pato. C'est la chanson du pervers, la chanson du mec super. Il aime bien les petits agneaux, faisait partie de la Légion. Il leur caresse le dos, avec son membre en action. Les poules aussi, ça l'excite, il leur donne de l'affection. Mais les plumes, ça l'irrite, qu'est-ce que nous imaginions? C'est la chanson du Zoho, la chanson du Monsieur Papo. C'est la chanson du pervers, la chanson du mec super. Sur sa couchette en vinyle, il les met en position. Il prend le gros ustensile et commence l'exploration. Il fait parfois les drogues, il fait le compliqué. Pour jouer les spéléologues, qu'est-ce que vous imaginez? C'est la chanson du gynéco, le mec qui fait son boulot. La chanson du mec super, si ça se trouve c'est un pervers.